Yeah. Flingue par terre et diront que je suis casse-pied. Tu n'as que très peu d'intérêt comme une chute au handball. Je suis venu cacher le sol et comme un million d'archers. Je suis matrixé par les putains depuis Mulholland Drive. Je vis dans le passé comme un arquebusier parmi snipers. Je me sens comme Jake Gyllenhaal devant son ami Cypher. Dans la nuit j'ai fait le tour, mon frangin tu ne me connais pas. Mais je vais finir par tous les fumer comme dans Taxi Driver. Yeah. Rappeur rouge, j'ai vu ce que sont pétasse aujourd'hui. Ça fait 7 ans que les verres sont cassés. Yeah. Silencieux, je vise le coussin. Je ne suis bon que dans la haine, appelle-moi Vincent Cassel. Je suis migraineux, frangin, ne me prends pas la tête. Tu ne fais que prêcher rapidement comme un pasteur coquet. Tout est carré chez moi, l'univers est parallèle. Mais j'ai dû casser la démarche un peu comme Kaiser Soze. Près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex. J'ai perdu les pédales comme une automatique, je suis déboussolé mais je ne perds pas le nord. Tu passes ta vie à l'arrivée devant X Factor, mais tu n'es pas à ta place, on dirait Pearl Harbor. Mon ami, le monde est mauvais, t'as un mal au Maybach. J'ai le corps du machiniste et la dégaine à Keisap. Revêtu le kimono pour attirer les geishas. Mal aimé toute ma vie, je compose dans le noir comme Ray Charles. Entre nous, ce n'est pas fini, ça n'a jamais commencé. Mais tu étais mon héroïne et j'étais Kurt Cobain. Ça fait longtemps que je n'ai plus le cap à Kurt Cobain. Dans mon domaine, je suis nommé brillant comme Kobe. J'arrive pieds nus, t'es là, c'est des faits. Ils sont trop petits, j'ai dépassé l'Everest. T'as pas l'air au courant, y'a pas assez d'essais. MDMA, j'ai déclassé les faits. Près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex, près de ma putain je flex.